un peu plus que tu penses. Ça devrait pas nuire, aider à ce que ça change. Sauras-tu me dire ce que tu ne dis pas? Arrêtez de fuir, car je ne comprends pas. Toi tu t'en vas loin devant. Tu peux m'attendre peut-être encore un petit moment. Passé, fuirons-nous le pire à grandes enjambées? Mais tu t'en vas loin devant. Tu peux m'attendre peut-être encore un petit moment. Est-ce que tu comprends ce qu'on a perdu? La tempête en moi que tu n'as pas vu. J'essaie de faire ce qu'on m'a pas dit, mais laisse le temps s'occuper de nos vies. Pourras-tu me dire simplement, arrêtez de fuir, car je ne comprends pas. Que tu t'en vas loin devant. Tu peux m'attendre peut-être encore un petit moment. Mais tu t'en vas loin devant. Tu peux m'attendre peut-être encore un court moment. Peut-être encore.